Mother. We are going to discuss about jealousy that brings hypertension to those that jealous their colleagues. Yo Yeah, we're not mom, we're not

morena, la mocinera con la té. La morena, la mocinera con la té. Mais la mocinera, y'a gourmandé. Y'a gourmandé. Quand t'as bien gourmandé. Y'a gourmandé. Y'a gourmandé. Y'a gourmandé. Y'a gourmandé. Y'a gourmandé. A la jambe, y'a gourmandé. En passe. Y'a gourmandé. Y'a gourmandé. Alhaja Mariamu Obasi originate from Alhaji. Number 7 Kuala Road Apapa Lagos. Thank you. Alahaji Aminu Elegame Somila Saple Native of Igaru Omwa local government in Real Bere State Mine Elegame Urubi Yehaku Yaru wa fi la manama, yaru ku wa ma ha. Aminu, aminu de ga me lukyo, yaga ku pisi lukyo. Aminu de ga me lukyo, yaga ku pisi lukyo. Yaru wa fi la manama, yaru. Aminu de ga me, aminu de ga me lukyo, yaga ku pisi lukyo. Mama, when you hear me, you have to walk to the man. la vieille gamme, ami de la gamme, toi ma vie, il s'en prie, la vieille gamme. La vieille gamme, il y a la cuisine, on a yelé au. Ami de la gamme, il y a la cuisine. Oh, na na, Fracalica.